بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب الوتر كي هي لا صلاه دو نوي ان نومبر امبير. لا صلاه دو نوي ان نومبر امبير et là il vise par là principalement la dernière rak'at de cette salade de nuit qui en elle-même est considérée comme étant comme l'ail en elle-même. يقول في الحديث الحادي وعشرين بعد المئة 121 حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Donc selon Abdullah ibn Omar qu'il a dit qu'un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur le minbar, c'est-à-dire en train de faire la khutbah du Jumu'ah. Il lui a dit, que dis-tu dans la salade de nuit? Il lui a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, deux par deux, c'est-à-dire deux rakat, deux rakat. Et si l'un d'entre vous craint que l'aube n'apparaisse, c'est-à-dire qu'il arrive en fin de temps, alors qu'il ne fasse qu'une seule rakat, et qu'elle voudra justement la salade de nuit. Et il disait également, que faites en sorte que votre salade de nuit se finisse par un nombre impair. Que votre salade de nuit finisse par un nombre impair. Naam. Yaqulu fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen rahmallahu ta'ala. Araoui, le rapporteur, Abdullah ibn Omar ibn Khattab, dont on a déjà parlé auparavant. Maudu al-hadith, bayan kayfiyati salat al-layl wa hukm al-witri bi raka'atin. Le sujet qui est de montrer comment faire la salade de nuit et qu'en est-il du jugement de faire le witr par une seule rakat, une seule unité de prière. يقول في الشرح الإجمالي explication globale du hadith. يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسأله عن صلاة الليل. Donc Ibn Omar nous rapporte que un bédouin, cet homme qui est venu l'interroger, c'est un bédouin, s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur le minbar en train de faire la khutbah et l'a interrogé à propos de la salade de nuit. فبين له صلى الله عليه وسلم كيفيتها بأنها مثنى مثنى أي يسلم فيها من كل ركعتين ويستمر كذلك حتى يخشى طلوع الفجر فإذا خافه صلى ركعتين واحدة فأوترت له ما سبق من صلاته. Donc il dit justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui expliquait comment faire cette salat, qu'elle se composait de deux rak'at, c'est-à-dire tu fais deux par deux. Tu fais deux rak'at, après tu fais taslim. Deux rak'at, après taslim, et ainsi de suite. Et si la personne craint à ce que le soleil ne se lève, la levée de l'aube, on dira plutôt, alors par peur que le temps ne lui échappe, il peut se contenter de ne faire qu'une seule rakat. C'est-à-dire, il s'est levé en fin de nuit, et il n'a pas le temps de faire une longue salat, il a juste le temps de faire une rakat, il peut la faire. Et cela sera compté comme étant son witr. D'accord ? Cela sera compté comme étant son witr. Wa kana ibn Omar yakulu ij'alu akhir salatikum min layli witra wa yubiru anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bithalika li yush'ira al-abdu anna a'malahu takhtum bit-tawhid. Ibn Omar, il disait, faites en sorte que votre salat de nuit soit fini par un nombre impair. Et il informait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de faire cela, afin que le serviteur ressente que son acte soit fini par le tawhid, c'est-à-dire l'unicité, une chose unique, une seule rakat, adhan al-ma'na. يقول من فوائد الحديث ومن enseignements utiles du hadith أن صلاة الليل مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين ويختمها بركعتين توتر له ما صلى. Que la salat de nuit, elle se fait deux rakat par deux rakat. Et après toutes les deux rakat, il fait un taslim. À savoir qu'il a le droit de le faire aussi également enchaîné, toutes. De faire par exemple 8 rakat d'affilée. Sans taslim entre elles, d'accord, si ce n'est à la fin. Ou il peut même enchaîner 8 rakat et après finit par 3 enchaînés également. Il y a plusieurs façons de faire la chose. Donc il fait cela et il finit sa salat par une unité de salat. Et que celle-ci sera comptée comme étant son witr. ثانياً أنها لا تنحصر تنحصر بعدد معين فللإنسان أن يصلي ما شاء من ركعات من ركعات مثنى مثنى لكن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد ولا 11 ركعة ولا في رمضان ولا في غيره وربما صلى 13 ركعة. Donc il a dit, le shir dit que cette salat n'est pas limitée à un nombre particulier, c'est-à-dire que la personne peut faire une salat aussi longue qu'il le souhaite, tant qu'il fait cela deux par deux. Cependant, il précise que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais ajouté à 11 ou 12 rakat dans sa salat de nuit, ni pendant Ramadan, ni autre que Ramadan. Donc cela montre que la vie, en réalité, qui est le plus juste, c'est de ne pas ajouter à cela. La meilleure des guidées, c'est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne pourra pas faire mieux que lui. D'accord ? Donc, la salat de nuit, ne pas ajouter au-delà de 11 ou de 13. Et lorsqu'on dit 13, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam commençait par deux légères rakat au début. Deux légères. Il restait deux salats qui étaient courtes. Et après, il commençait les 11 autres par la suite. Naam. Thalithan, mashru'iyat al-witr wa huwa sunnat mu'akkada. Qu'il est légiféré de faire le witr, et cela, c'est parmi les sunnats qui sont confirmés. Rabi'an, annahu yajuzu an yutir bi rakatin wahida. Qu'il est permis de faire le witr avec une seule rakat. Khamisan, anna waqt al-witr yantahi bi tulu' al-fajr. Que le temps de witr se lève, s'achève à la levée de l'aube. Sadisan, jawaz su'al al-khatib al-minbar wa ijabatu aw ijabati. Qu'il est permis justement d'interroger le khatib alors qu'il est sur le minbar, tout comme il est permis lui de répondre. Donc là c'est une exception, car à la base pendant la salat de pendant la khutbah de Jumu'ah, on ne parle pas. Mais des différents hadiths sont déjà venus indiquer que des gens ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur le minbar en train de faire la khutbah et qu'il leur a répondu. Ce qui prouve que s'il y avait eu un mal, il leur aurait dit de se taire et que cela n'était pas permis. Mais ça, c'est vraiment en cas de besoin. Naam. Hadha ladhi akhadna al-yawm min al-hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.